L'histoire commence par un bonhomme de classe moyenne. Quelqu'un entre richesse et pauvreté, voilà le problème. Le genre de personne qui aimerait régler les problèmes, qui aimerait communiquer, mais en sent comme une gêne. Devant tous ces riches se sentant supérieurs, le regardant de bas en haut, se croyant meilleur. Il leur adressait un mot, réponse, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il en est parti en pleurs, plus tard en marchant sur son chemin habituel. Sur le trottoir il entend que quelqu'un l'appelle. C'était un SDF lui demandant un peu d'argent. Elle répondit, je n'en ai pas et en plus je n'ai pas le temps. La réponse est qu'un sale riche et fous-moi donc le camp. T'es blindé de thunes et tu ne donnerais pas un franc. Déçu il repart en pensant que c'est tous des connards. Pas de bonjour, pas de merci et surtout pas d'au revoir. Pas d'égalité, pas de communication. Pas de liberté, pas de compréhension. L'inégalité est le fruit de nos pulsions et tellement de fierté dans toutes nos actions. Pas d'égalité, pas de communication. Pas de liberté, pas de compréhension. L'inégalité est le fruit de nos pulsions et tellement de fierté dans toutes nos actions. On vit à l'heure des portables, fini le bal, c'est calme. Un air de communication, maintenant on a tous le câble. Avec toute cette technologie, un truc que je trouve inexplicable. On juge les situations de vie et ça on en est tous coupables. Est-ce que tu capes? Je parle. Tant bien que mal, difficulté de compréhension entre toutes les classes sociales. Franchement, c'est pas normal, ça devrait changer. Changement radical, ça nous ferait penser. Faire tellement de mal, car un bronzé ne peut pas être français. C'est plus la main qu'on tend, mais c'est des briques qu'on vient lancer. Le blanc craint le beurre, le beurre a peur du noir. Le noir a peur du cœur, tout comme le beurre et le blanc. On se pose pas les bonnes questions, et dans nos vies, ça se ressent. Période de communication, qui a trouvé sur son blanc. Trop cool sous la pression, et en ont perdu leur mordant. Et ceux qui créent cette pression en ont perdu leurs sentiments. Pas d'égalité, pas de communication. Pas de liberté, pas de compréhension. L'inégalité est le fruit de nos pulsions et tellement de fierté dans toutes nos actions. Pas d'égalité, pas de communication. Pas de liberté, pas de compréhension. L'inégalité est le fruit de nos pulsions et tellement de fierté dans toutes nos actions. Pourquoi tu restes seul dans ton coin au lieu de parler à ton voisin? On comprend pas que dans ce monde nous sommes tous frères. On a tous droit au même destin. Trop catalogué, jugé, surtout trop renié. La différence invoque trop d'inégalité. On descend tous du même arbre. Comprends, je me cabre face à ces problèmes que je viens couper au sabre. Ne prends pas pour un incapable, je veux pas d'une vie si macabre. Si tous ne se sentent pas coupables, ça finira insupportable. Même dans les familles, fiston et père ne se parlent plus. Même entre amis, pour faire confiance, c'est foutu. On se comprend plus et je me demande vraiment pourquoi. Crie que t'en peux plus, ne parle jamais vraiment tout bas. Instant de panique, tu sais que c'est lourd l'âme. Pourquoi tu critiques les croix, l'équipe à elle et soudain, je crois qu'on est bien retardé. Voulant passer la vitesse, on a que sur rétrogradé. Pas d'égalité, pas de communication. Pas de liberté, pas de compréhension. L'inégalité est le fruit de nos pulsions et tellement de fierté dans toutes nos actions. Pas d'égalité, pas de communication. Pas de liberté, pas de compréhension. L'inégalité est le fruit de nos pulsions et tellement de fierté dans toutes nos actions. Pas d'égalité, pas de communication. Pas de liberté, pas de compréhension. L'inégalité est le fruit de nos pulsions et tellement de fierté dans toutes nos actions. Pas d'égalité, pas de communication. Pas de liberté, pas de compréhension. L'inégalité est le fruit de nos pulsions et tellement de fierté dans toutes nos actions.